Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse de sur le 895 de Radio Dio en ouverture. L'album culte de Whitesnake 1987 pour annoncer le triste décès du guitariste John Sykes. John Sykes qui nous a quitté cette semaine à l'âge de 65 ans après un dur et long combat contre le cancer. On, bien entendu, l'a vu dans ensuite Blue Murder et également bien avant ça dans Finlay pour l'album Thunder and Lightning. Voilà, donc on va continuer avec maintenant des choses un peu plus réjouissantes. Michael Schenker nous revient avec une célébration de son temps dans UFO avant d'être parti faire son MSJ à lui. Il nous sort des invités comme Slash et Eric Grunwald qu'on a vu dans Skid Row l'année dernière, plutôt il y a 2 ans. Ce sera Mother Mary en duo avec Slash ici pour une belle partie de manche. Oh, Yes, excellente joute guitaristique sur cet album de Michael Schenker. C'était le classique de UFO Mother Mary, sur lequel vous avez retrouvé l'ancien chanteur de Heat et de Skid Row. J'ai bien surnommé Eric Grunwald. Sa voix fait des merveilles sur ce morceau et il rend un fantastique hommage à Phil Mogg. Ici, Slash n'est pas en reste et offre de belles joutes guitaristiques en compagnie de Michael Schenker. On continue avec encore une sortie. Il s'agira des Suédois de Avatarium qui nous sortent cet album Between God, the Devil and the Deep Blue Sea. Ça voit le jour sur Nuclear Blast. Donc à la base, un projet du bassiste de Candlemass, Leif Edling. Il s'est maintenant depuis éloigné un petit peu du projet, puis il a laissé les membres vaguer là et créer leur propre musique, notamment l'excellent guitariste Marcus Gidel et sa compagne au chant. On s'écoute ça tout de suite pour un son à la fois doomy, 70s et bluesy à la fois. Ce sera I See You Better in the Dark. Oh, Voilà pour le groupe Avatarium avec son dernier album, c'était Between God, the Devil and the Deep Blue Sea. Ce soir dans Overdrive, j'ai la chance d'avoir Pierre du groupe Vertex à l'antenne avec nous pour nous présenter leur premier album qui est sorti la semaine dernière, ou peut-être même lundi il me semble. En tout cas, ils seront du côté du Fil de Saint-Étienne en ouverture de l'Ophophora, ce sera vendredi prochain, le 31 janvier, du côté du Fil de Saint-Étienne. Donc, comment est-ce que tu nous entends, Pierre ? Eh bien, je t'entends très bien. Ok, parfait, parfait. Nous aussi, également. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Vertex, pour présenter rapidement le groupe dans lequel tu es batteur, Vertex, il s'agit d'un métal moderne avec des influences un petit peu, on va dire, alternatives et également peut-être post-métal. Donc vous développez des ambiances qui sont à la fois tortueuses, peut-être parfois dissonantes, et qui s'inscrivent dans un paysage, on pourrait dire, du métal moderne. Est-ce que tu es un petit peu d'accord avec cette définition dont j'ai fait de ton groupe ? Écoute, oui, complètement. Ouais. Alors le côté post, je sais pas trop, mais je dirais le côté un petit peu progressif, tu vois, dans le sens où on est sur des morceaux qui racontent un peu des histoires et qui sont un petit peu barrés, et qui sont un petit peu alambiqués, je dirais. Tu vois, avec des rythmiques un peu, il y a le côté, le mot madcore, tu vois, illustre bien le propos, dans le sens où bah c'est une musique qui est dense, c'est une musique qui est fournie, qui est un peu démonstrative, donc voilà, mais sans jamais mettre de côté la dynamique, parce que c'est quelque chose de très important pour nous. Ouais, voilà, un terme madcore qu'on emploie peut-être un peu moins ces dernières années, remplacé peut-être par le mot djent, en tout cas. Absolument. En tout Absolument, cas, faites-vous votre propre avis en écoutant ce premier album qui est sorti la semaine dernière. Est-ce que tu peux nous le présenter son processus d'enregistrement également pour Vertex ? Eh ben, alors ça a été un processus qui a été un peu long parce que alors on a procédé de plein de manières différentes. On a enregistré les batteries en studio à Omnibus Studio à Saint-Étienne avec Greg Alliott. Les guitares et les basses ont été enregistrées. Les guitares, les basses et les voix ont été enregistrées à la maison. Et le tout a été mixé par Thibaut Bernard à Convulsion Production. Alors évidemment, il a fait le réamping des guitares lui-même. Enfin, on l'a fait avec lui, quoi. Mais voilà. Et le procédé d'écriture, il s'est étalé sur un certain moment parce que en fait, il y a des morceaux qui ont été composés spécialement un peu pour l'album, il y a des morceaux qui ont été composés déjà il y a un petit moment, et on a également remis quelques morceaux qui figuraient sur un EP qu'on avait sorti en 2019, en fait. Parce que c'est des morceaux qu'on trouvait qu'on n'avait pas assez exploité, qu'on voulait revisiter un petit peu, et qu'on voulait faire vivre sur l'entité qu'est l'album, en fait. Pour nous, c'était hyper important. En fait, l'album, c'est un peu un condensé de tout ça, en fait, quoi. C'est un petit peu le cas pour tous les premiers albums. On a l'habitude de dire que le premier album, on peut prendre une vie pour le faire, mais ensuite, il va falloir se mettre au charbon et condenser un petit peu un processus de composition sur une période un peu plus courte, hein, pour avoir une proposition musicale relativement rapidement, sans parler de sortir un nouvel album dans 6 mois. Bien sûr. Mais voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est également fréquent, on va dire, pour beaucoup de groupes. Également, on vous a vu sur pas mal de scènes. Je pense notamment au Plein Air Fest. C'était, il me semble, il y a deux ans. C'était il y a 2 ans, tout à fait. Ouais. Voilà, est-ce que tu pourrais revenir sur cette prestation, et s'il y a peut-être d'autres justement souvenirs de live qui vous ont marqué en tant que groupe ? Écoute, alors le Plein Air Fest, c'était un peu particulier parce que ça a été à la dernière minute. Je pense que en fait on a remplacé l'Outblast au dernier moment. Du coup, on a été appelé 2 jours avant et par chance on était tous dispo. Du coup, on s'est retrouvés sur scène au Plein Air Fest d'il y a 2 ans, donc c'était pour nous c'était super chouette, quoi, tu vois, c'était très cool, et on a pu c'était complètement imprévu, et c'était super, hein. C'était un très chouette souvenir, Et donc voilà, mais tu vois, du coup, ce qui est pas mal, c'est que l'inconvénient de ça, c'est que tu joues sur un festival et t'es pas sur l'affiche, tu vois. Donc, et là, ce qui est cool, c'est que cette année, bah, ce sera le cas. Du coup, on est annoncé sur l'affiche du Plein Air Fest. Donc, c'est chouette. Puis, ça colle avec notre sortie de disque. Donc, c'est vraiment mortel. Après, d'autres concerts marquants, bah, il y a pas si longtemps, on a joué à un festival allemand qui s'appelle l'Euroblast, qui est un festival qui met en avant particulièrement les musiques, on va dire, qui sont un peu affiliées à notre esthétique, ou tu vois, qui sont un petit peu plus de niche, ou qui sont un petit peu plus barrées, moins grand public. Et on a joué à ce festival, et c'est un concert, je pense, dont on va se rappeler vraiment très longtemps, si ce n'est toute notre vie, parce qu'il y a eu vraiment une espèce de symbiose qui s'est créée avec le public, qui était vraiment, vraiment assez incroyable. Et voilà, ça nous a vraiment marqué. Donc tu vois, en souvenir de concert comme ça de prime abord, en claquant des doigts, je pourrais mentionner celui-là, parce que vraiment c'était un concert vraiment extra. Ok, alors maintenant, si on revenait sur la pochette de l'album, qui se veut un petit peu conceptuel, donc sur ce premier album qui s'appelle The Purest Light, la lumière la plus pure, vous avez fait le choix d'une esthétique assez claire, assez loin des peut-être clichés du métal où on a des têtes de mort et du noir partout. Et des intelligences artificielles qui font les pochettes à la place des gens. Ouais, peut-être celle de Kerry King ou alors de Deicide. D'une immense majorité d'artistes. Et du coup, vous avez choisi de faire, alors il me semble que c'est une sculpture. Absolument. Qui décrit une sorte de figure un peu fantomatique où on a du mal à vraiment trouver ce que c'est, mais on imagine qu'il y a un concept derrière. Donc, est-ce que tu pourrais le développer ? Alors, c'est particulier en fait parce que la création de cette pochette, en fait, elle s'est faite en lien avec une artiste qui s'appelle Farzaneh Hosseini, qui est une artiste iranienne. Parce que Kik, notre chanteur, a des origines iraniennes, et en fait, c'est lui qui nous a mis en lien avec cet artiste. C'est de la famille du côté de Kik, et on a regardé un petit peu son travail, et en fait, on a tous flashé dessus unanimement. Donc, tu vois, elle est plasticienne, donc elle fait de la sculpture, elle fait du dessin. Tu vois, et puis sur le plan, alors Kik t'en parlerait bien mieux que moi, mais sur le plan politique, une femme iranienne artiste indépendante qui fait un travail comme celui-là, c'est en plus très fort. Donc si tu veux, pour nous il y avait tout un espèce de cumul hyper juste, parce que Kik a quand même des textes assez engagés quand même. Et le truc, c'est que en plus, dans son travail à Farzaneh, il y a un côté hyper organique. Et nous, c'est quelque chose qui, dans notre musique, est prépondérant. En fait, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Et c'est quelque chose auquel on tient. Et en fait, on trouve que dans son travail, il y a vraiment cette connexion à l'organique, à la chair, au corps, au viscéral. C'est des fois difficile même d'en parler, parce que pour nous, ça tombait sous le sens, parce qu'on est vraiment tombé un peu amoureux de son travail, dans le sens où on se dit, mais ça colle parfaitement à ce qu'on veut raconter, en fait, quoi. Tu vois, c'est ce truc très humaniste, en fait, hyper humaniste et très viscéral, en fait, je trouve aussi. Alors, tu nous parles d'une production, on va dire, organique. Comment on va arriver à conjuguer un petit peu le côté chirurgical du métal moderne avec justement ce côté organique? C'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. C'est beaucoup de temps de pratique de son instrument, mais ce que je veux dire, c'est en fait, faut arrêter d'utiliser des samples. Faut enregistrer une vraie batterie. Faut utiliser la dynamique d'un instrument, tu vois, faut essayer d'aller un peu à l'essentiel. Après tu vois, tu peux jouer les trucs les plus barrés que tu veux, les trucs les plus virtuoses que tu veux, mais en fait l'organique il va venir du son que tu produis, tu vois, de comment tu fais vibrer l'air autour de ton instrument, de comment tu vas frapper ton instrument, comment tu vas rentrer en interaction avec ton instrument. Et en fait, le meilleur moyen de faire ressentir cet aspect organique, en fait, c'est de rien rajouter par-dessus comme artifice, à part les ingrédients qui font qu'un mec mixe un son, quoi. Tu vois, genre les ingrédients qui sont la compression, l'équalisation, la réverb. Mais en fait, c'est garder quelque chose de naturel. Et en gardant quelque chose du naturel, tu récupères en fait énormément de dynamique dans la musique. Et c'est ce qui est très compliqué dans les très grosses productions aujourd'hui. Après, c'est des choix esthétiques, tu vois. Tu penses à l'Indus, tu vois, ce genre de truc où là, on fait des choix drastiques sur le plan de la compression et des choses qui sont presque artificielles, mais pour les bonnes raisons. Mais des fois, là, on essaie de traduire un espèce de son en rajoutant des samples, en surproduisant et tout, alors qu'en fait, tu peux obtenir des résultats très puissants, très chirurgicaux et très efficaces en te concentrant vraiment sur l'essentiel et en magnifiant un son, une source en fait. Mais c'est toujours pareil, ça vient vraiment de ta prise. Si tu fais une prise qui est extraordinaire, genre, ou en tout cas, ou une prise qui est d'excellente qualité, si le musicien joue bien, qu'il a un bon instrument et que le mec qui fait la prise, qui enregistre, s'applique, en fait, t'as tous les bons ingrédients derrière pour que, quand on mixe tout ça, on puisse ramener toute la dynamique nécessaire qui te donne ce sentiment de vivant, en fait, d'organique, de son, de pression acoustique. Et voilà, c'est des choses maintenant, tu sais, avec toutes les productions d'aujourd'hui, tous les Get Good Drums, les Tune Track, tous ces trucs, tous ces logiciels, tous les Neural DSP qu'on utilise, attention, qu'on utilise pour faire des pré-productions, et qui sont des outils qui sont géniaux dans des tas d'environnements. Mais aussi, il ne faut pas oublier que la musique, c'est un mec qui joue de son instrument, qui fait vivre son instrument avec ses imperfections, qui sont parfaites, en fait, à des moments. Hein. Vraiment, tu vois, tant que l'intention est là et que la personne arrive à s'exprimer avec justesse par rapport aux propos qu'elle veut exprimer, en fait, pour moi, on est dans le vrai. Voilà, quoi. La dynamique, c'est très important. C'est un mot que je répète beaucoup, mais qui, pour moi, compte énormément. Ok, merci en tout cas pour cette belle démonstration. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour les futurs concerts? Donc tu nous as parlé déjà du Plein Air Fest cet été. Il y aura bien entendu la semaine prochaine du côté du Fil de Saint-Étienne en compagnie de l'Ophophora. Ça devrait être une belle soirée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se profile pour vous? On joue en Ardèche le 15 février. J'ai absolument pas du tout le lieu parce que c'est pas moi qui me suis occupé de booker cette date et j'ai pas toutes les infos sur cette date. Mais c'est le 15 février, ça se passe en Ardèche et je sais pas exactement où c'est. Mais voilà. Après, on va jouer à Savigny-le-Temple en mars, à Lons-le-Saunier en avril, aux abattoirs en avril. De toute façon, les dates vont être annoncées très rapidement. On joue aux abattoirs, je l'ai déjà dit ça. On essaie de travailler vers Orléans, une date vers Orléans. On va jouer à un festival qui s'appelle le Crash Musette en Ardèche. On va jouer au Plein Air Fest, donc voilà. On a des options qui tombent un petit peu là, qui vont être annoncées très prochainement sur nos réseaux sociaux, sur les internets comme on dit. Voilà, donc ce qu'on peut inviter le public à faire, ça va être de vous suivre. Que ce soit sur Facebook ou alors Instagram, suivant votre réseau social préféré, Vertex, V-E-R-T-E-X, tout simplement, pour suivre l'actualité du groupe et peut-être, possiblement, vous voir. Il me semble que dans votre style de musique, vous appréciez le live. C'est pas uniquement produire du son à la maison, comme tu le disais, mais c'est vraiment avoir une expérience ensemble. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour toi. Absolument, c'est même primordial, c'est là que tout prend du sens, c'est là qu'il se passe un milliard de trucs. C'est assez rigolo parce que Max, le guitariste du groupe, parle souvent de ça comme image, mais on voit ça comme un rodéo qu'on fait avec les gens, tu vois, entre nous et puis avec les gens. On essaie d'emmener les gens faire ce rodéo et on essaie de les embarquer dans ce truc-là comme une espèce d'aventure, une épopée un peu, tu vois, complètement what the fuck, j'ai envie de dire. Mais voilà, on essaie d'embarquer les gens là-dedans, de vivre vraiment un moment. Il y a beaucoup de moments qui sont improvisés aussi, tu vois. Donc, en fait, des fois, on ne sait pas... En tout cas, en ce qui est me concernant, tu vois, au niveau des fils et des trucs comme ça, en tant que batteur, j'ai pas mal de passages où je suis assez libre. bien que je respecte les patterns, je respecte les riffs, etc., etc. Mais il y a plein de petites choses comme ça qui d'un concert à l'autre changent, qui sont un peu différentes, qui en fonction de mon état d'esprit vont évoluer, vont être plus ou, enfin, tu vois. C'est un truc où c'est vraiment une expérience là-dessus où les gens vont se retrouver complètement téléportés, voilà, sans que nous-mêmes on sache vraiment des fois où ça va, quoi. Et maintenant, on va passer à un extrait de ce premier album The Purest Light avec le morceau Leviathan que tu avais choisi. Est-ce que tu pourrais nous le présenter? Est-ce qu'il est, on va dire, représentatif du son du groupe? Oui, carrément. Après chaque morceau est représentatif, je t'avoue que j'ai choisi ce morceau parce que dans les dernières sorties il a un petit peu moins tourné. C'est un morceau qui a un petit peu d'histoire quand même, qui était sorti précédemment, qu'on avait clippé. On a fait un gros clip à l'occasion de ce morceau avec un danseur. On a travaillé avec une personne qui s'appelle Alice Mazera, qui est réalisatrice. Ça s'appelle Mademoiselle Doux, sa boîte de prod. Et en fait, elle a réalisé le clip. On a fait un truc assez conséquent. Et voilà, il a une histoire particulière. Et voilà, et ça faisait un moment que le morceau, on n'avait pas trop remis en avant parce que le single était sorti il y a un petit moment. Mais pour moi, c'est un morceau aussi qui est assez accessible aussi parce que très mélodique. Et on est quand même, enfin, très mélodique. On est sur une musique qui est quand même très rythmique. Mais ce morceau a un côté, il a un petit côté, voilà, un peu accrocheur. Je pense aussi, je me suis dit, bah tiens, voilà, tu vois, il n'y a pas une volonté particulière plus qu'une autre que proposer celui-là, mais je trouve que il balaye, en plus il passe par plein d'univers, plein d'endroits, et c'est ce que je trouvais pas mal avec ce morceau aussi, et c'est pour ça que je me suis dit que c'était pas mal de le mettre en avant là, à ce moment-là. En tout cas, Pierre, merci à toi pour l'interview. On rappelle la date de la semaine prochaine, vendredi prochain. Vous auriez une excuse de ne pas écouter l'émission pour aller voir Vertex en compagnie de l'Ophophora du côté du fil de Saint-Étienne et entendre ce morceau, Léviathan, extrait de leur premier album, Purest Light, disponible dans toutes les bonnes crèmeries, qu'elles soient digitales ou alors physiques. Voilà, en tout cas, merci à toi et on se dit à la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Allez, ciao. À très bientôt, ciao. Allô? Ouais, parfait. Let's Yes, voici le groupe Vertex. On remercie encore une fois Pierre du groupe, batteur du groupe, avec ce morceau Leviathan, extrait de cet album The Purest Light. On rappelle, ils seront la semaine prochaine, 31 janvier prochain, du côté du Fil de Saint-Étienne, en ouverture de Lophophora. On va repasser pour l'occasion un extrait du dernier album de Lophophora, ça s'appelle Cœur de Cible, et ce soir dans Overdrive, on vous offre des places pour ce concert au Fil, donc Lophophora plus Vertex que vous venez d'entendre, l'occasion de rafler des places, un petit coup de fil au 04 77 25 05 94, je rappelle 04 77 25 05 94 pour rafler une petite place, pas très compliquée. Du coup, on va se diffuser un extrait du dernier album de Sepultura, qui est plutôt bien ficelé ici. Et on avait diffusé des morceaux un petit peu coupe de poing, et puis maintenant on va passer à quelque chose de plus, on va dire, aéré et plus atmosphérique, avec ce morceau, les de 04 77 25 05 94, pour une place pour le film. Des lendemains qui changent, on voit si Voilà pour Love of War avec les deux extraits de son album Cœur de Cible, un album assez diversifié sur lequel la voix de Renaud fonctionne plutôt très très bien. Voilà, on va continuer maintenant avec le groupe No One Is Innocent, une dernière chance pour rafler des places pour le concert de Love of War Vertex semaine prochaine au Phil, ce sera au 04 77 25 05 80 14 04 77 25 05 94 pour rafler une place. On continue avec No One Is Innocent et le morceau Charlie pour rendre un hommage au triste attentat terroriste qui est survenu maintenant il y a 10 ans à Paris. Sans la poudre, l'infâme qui résonne, car debout je ne sens plus rien. Oh pauvre Marianne orpheline, y a pas que Charlie qu'on assassine. Yeah. Charlie, maintenant 22h22 sur le 895 de Radio Duo, on retourne sur des terres heavy metal pur et dur avec le morceau Iron Will, morceau titre du projet The Ferryman, sur lequel on retrouve le guitariste Magnus Carlson, le batteur Mike Terana qu'on a vu dans d'innombrables projets et l'excellent chanteur Ronnie Romero, tout de suite dans Overdrive Radio Duo. magic lies I manifest with no regret. Pour le projet Ferryman avec ce morceau Iron Will, tout de suite vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Il est 22h quasiment passé de 30 minutes. On va continuer et passer maintenant dans la dernière demi-heure d'Overdrive avec ce projet Easy 8, ESE 8, et cet album The Convolution Anchor qui voit le jour sur MNO Music. Tout de suite à l'écoute, ce sera ici à The Convolution Anchor. pour le groupe EC8, The Convolution Anchor, et le deuxième morceau Obscurum, maintenant paru sur le label Nuclear Blast avec leur futur album et le morceau The Silver Lining. Ils seront en concert du côté de Rieux-la-Patte le vendredi 7 février prochain en compagnie de Gorod. Pour les amateurs de Death Metal technique, il devrait prendre une petite mandale, la Obscura, tout de suite, Silver Linings. Yeah. entendre le groupe Alta Rosa, tout de suite, avec son dernier album sorti sur Source Atone. C'était le morceau The Emperors avec A Defiant Cure. Tremonti maintenant avec son nouvel album solo. Donc le guitariste-chanteur américain est plus productif que jamais. Il enchaîne les albums avec Alter Bridge et également son projet solo et également un projet de reprise de Sinatra qu'il fait depuis quelques temps. On va s'envoyer ça tout de suite avec le morceau titre de son dernier album solo. Ce sera The End Will Show Us How. Ça va venir de voir le jour sur Napalm Records. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Tune. Till it's mine to hold, it will call to me. Yes, vous venez d'entendre le chanteur Tremonti. Voilà, on va maintenant se quitter. On va se dire dans deux semaines, puisque la semaine prochaine, c'est concert. On l'a déjà dit dans l'émission, il y aura Lophophore plus Vertex du côté du Fil de Saint-Étienne le vendredi 31 janvier prochain. Ça devrait être une excellente soirée et du coup on vous dit à dans deux semaines. On rappelle le www.facebook.com/overdrive radio, Overdrive Radio Duo également sur la plateforme Mixcloud pour retrouver les podcasts des émissions et notamment les références des morceaux s'il y a quelque chose qui vous a plu, et également Instagram sur Overdrive Radio Duo. On se quitte au son de Finn Lizzy avec ce morceau The Sun Goes Down, encore une fois un hommage au guitariste John Sykes qui nous a quitté cette semaine après un long combat contre le cancer, tout simplement âgé de 65 ans, c'est quand même pas très très vieux. Et quel guitariste John Sykes. On va passer un extrait de l'album Thunder and Lightning, Finn Lizzy, ce sera le morceau The Sun Goes Down. Merci. Ciao et tout simplement bye bye. She tries to deceive him.